Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Sortir les lesbiennes du placard, une série de Clémence Alzard réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui creuse sous sillon et cherche une histoire, des récits qu'on n'entend jamais et l'envie d'ouvrir la deuxième porte du placard. Mais il faut peut-être aussi et surtout regarder là où on a longtemps rien vu. Alors pour commencer, les personnages. Un conservateur qui déconstruit, des asociales, une éditrice qui transmet, une autrice qui raconte, des chercheuses concernées, une historienne qui retrace et une directrice ravie. Ensuite, le décor, des stigmates, la répression, des camps de concentration, des mascarades, Ravensbrück, des cabarets, des arrestations, des photos, une opérette pas claire et un mémorial. Aujourd'hui, 4e épisode, il y a des voix qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Toutes les époques ont vu des femmes aimer des femmes. Au commencement, il y eut Sappho, la poétesse de l'île grecque de Lesbos au 7e siècle avant Jésus-Christ, son ode torride à une femme aimée. Une longue histoire, longtemps rendue invisible, jugée indigne d'être racontée. Traîtresse à notre genre, l'histoire des lesbiennes est aussi une histoire de répression, passée sous silence, elle aussi, qui atteint son acmé au 20e siècle, sous le Troisième Reich. Le régime national-socialiste durcit le paragraphe 175 qui criminalise l'homosexualité masculine. Outre la sodomie, toute marque d'affection entre hommes justifie une arrestation. Nos frères gays ont été 100 000 à être arrêtés, 50 000 à être condamnés, jusqu'à 15 000 déportés. Soumis à des thérapies hormonales, mis à l'écart dans les camps, parfois castrés, méthodiquement exterminés. Les triangles roses. Comprendre la persécution pendant les nazis, c'est pas suffisant de seulement parler des arrestations et des déportations dans les camps de concentration. Ulrich Baumann, directeur adjoint du mémorial de l'Holocauste, Berlin. Mais c'est un système de contrôle et un système de homophobie qui, naturellement, se dirigeait aussi contre les femmes lesbiennes. Quelqu'un qui était asocial dans le Reich des nazis se dirigeait contre la communauté imaginée du peuple. La communauté du peuple, c'était, on peut dire, une partie seulement de la société allemande. C'était les Aryens, on peut dire. C'était pas les handicapés. C'était pas les Juifs. Il y avait peut-être même pas les communistes. C'était peut-être une petite partie de la de la société allemande qui était déclarée comme communauté du peuple. Et être asocial était un stigma qui était donné aux personnes, par exemple aux lesbiennes, qui disaient, voilà, vous ne faites pas partie de cette communauté imaginée. Il existe aussi un autre mot pour remplacer asocial, c'était contre la communauté, en allemand Gemeinschaftsfremd. Est-ce que ça voulait dire qu'il représentait une menace pour cette communauté ? Parce qu'on a tendance à lire que, en réalité, si on peine à reconnaître, par exemple, les persécutions subies par les lesbiennes, c'est parce qu'à l'inverse des homosexuels hommes, elles ne représentaient pas une menace, elles, véritablement. Oui, mais c'est intéressant. La question est intéressante parce que, à l'autre côté, les gens qui ont été déclarés comme asociaux, ils étaient déclarés comme ennemis. Voilà. Juste inutiles, mais vraiment ennemis. Ennemis, voilà. L'histoire manquante. Sortir les lesbiennes du placard. Les relations homosexuelles entre femmes ne faisaient pas l'objet de poursuites pénales en Allemagne. Mais d'après le règlement du camp de Ravensbrück, approcher une autre prisonnière avec des intentions lesbiennes, se livrer à la débauche lesbienne, ou bien manquer de rapporter de tels actes, était puni. Matthias Heil, directeur des programmes éducatifs du mémorial de Ravensbrück. Cependant, il y a eu des relations amoureuses entre femmes à Ravensbrück, y compris quelques cas isolés d'échanges sexuels entre des détenus et des femmes SS. Il existe un dessin de Nina Jirsikova, une prisonnière tchèque, qui représente des relations entre femmes à Ravensbrück. Au centre d'un de ces dessins, un personnage féminin enlace une autre femme aux cheveux courts, vêtue d'une veste en daim. Il pourrait s'agir de la représentation d'un couple homosexuel. Jour de mascarade, persécution des lesbiennes sous le Troisième Reich. Un documentaire de Clément Salzar et Somanina. Au tout début, les nazis ne pensaient pas avoir besoin de créer des camps de concentration pour femmes, car ils ne les considéraient pas comme des sujets politiques. Mais cette zone était convoitée par Heinrich Himmler et d'autres dignitaires nazis, car elles possédaient des fermes aux alentours. C'était le lieu idéal pour établir un camp de concentration central, proche de Berlin et du chemin de fer, pour pouvoir acheminer les détenus par train, et aussi proche d'un village donnant accès aux artisans et aux infrastructures nécessaires, mais situé tout de même de l'autre côté d'un lac, ce qui maintenait les villageois suffisamment loin du camp. Margaret Rusteau, lors de sa dernière visite ici en août 2014, m'a dit qu'elle ne se souvenait pas à l'époque d'un lac si bleu, d'arbres aussi verts, d'un ciel si bleu. Comme je savais qu'elle ne manquait pas d'humour, je lui ai répondu : enfin, Margaret, les photos nous montrent bien, à l'époque tout était noir et blanc. Les chiffres ne sont pas précis, ils varient. Le stigmate et la répression de l'homosexualité survivant à la libération des camps. Pour les lesbiennes et les personnes trans, ils sont quasi inexistants. Innommés ou presque, la tâche est plus complexe encore. La question de la déportation et de Ravensbrück fait partie de mon histoire familiale. Suzette Robichon, activiste, éditrice, passeuse. Je me suis posé la question très jeune, je ne sais pas pourquoi, si je sais un peu pourquoi, est-ce qu'il y avait des lesbiennes dans les camps ? Sûrement. Et surtout, j'ai entendu auprès d'anciens déportés des réflexions plus ou moins sympathiques, on va dire, par rapport à certaines capots surveillantes qu'elles disaient lesbiennes et qui étaient particulièrement désagréables, brutales ou autres. Voilà. Donc, ça faisait un petit choc dans la tête. Donc, automatiquement, ça d'une part. Deuxièmement, quand j'ai commencé à, dans ma culture lesbienne, je me suis dit, on dit Berlin, les années 20, les bars, en oubliant, je ne suis pas obligée, j'étais militante politique, en oubliant un petit peu de parler aussi de la misère qu'il y avait dans ces années-là, qui étaient des années, roses de certains points de vue, mais très, très complexes sur le plan politique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces filles qui allaient dans les bars, qui tenaient des bars, qui tenaient des journaux, qui faisaient des journaux, puisqu'il y avait des mensuels. Ont-elles été résistantes? Ont-elles été, il y avait des juifs dedans? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? On peut réfléchir à ça. Jorgen Mammen, Traude Burman, écrivaine, activiste. Elle était quelqu'une qui a commencé de peindre différemment. Tu as utilisé une expression très belle tout à l'heure. Exil intérieur. Parce qu'avant, elle peignait quoi ? Elle peignait surtout les femmes dans les bars lesbiens, Et là, toutes les lesbiennes aussi des États-Unis se sont précipitées dessus. Ah, une peintre lesbienne de la héritière qui a dit non, elle n'était pas lesbienne, on ne veut pas. Et c'est des fois la difficulté aujourd'hui aussi pour la mémoire lesbienne que les héritières ou les héritiers ou je ne sais pas, qui ne sont pas d'accord quand les noms lesbiennes. Die sich niederbeugte, unter ihrem Bette nachzuschauen, lag ein Mensch dort unten, der beäuchte Tante Clara, die empfand ein Grauen. Il y a quelques années, je ne saurais dire où, je tombe sur un petit livre intitulé « Femmes lesbiennes de Berlin, 1928 ». Intriguée, j'en fais l'acquisition. Il s'agit d'un catalogue des nuits lesbiennes berlinoises pendant la République de Weimar, comme un petit guide touristique. Il restera longtemps sur ma table de nuit, tant la couverture est sublime. Il s'agit d'une aquarelle de la peintre Jan Mamen. Au premier plan, deux femmes dans un bar, très proches, presque enlacées. L'une nous apparaît de dos, avec un béret, cheveux courts, et vue vertigineuse sur sa chute de rein. Tandis que l'autre, de biais, look typique des années folles, se repoudre. Longtemps, je l'ai feuilleté, découvert, fasciné, les affiches des cabarets lesbiens du Berlin des années 20, les annonces publiées dans le magazine Frauenliebe. Relu aussi l'introduction de Ruth Margaret Rolig, tant sa modernité me sidérait. Ruth Margaret Rolig, qui vivait alors avec sa compagne Erika et à qui l'on doit ses savoureuses chroniques des bars interlopes où l'on se retrouvait entre femmes. Le café Olala, le Violetta, l'Eldorado, la cave Top, le club de dames de Montbijou, le club des joueuses de pipeau du café Princesse. Les lieux lesbiens, qui ne se nomment alors pas ainsi, sont nombreux. En 1935, un texte de loi nazi ordonne leur fermeture. Longtemps, les déportés homosexuels ont été absentes des commémorations officielles. C'est ainsi que s'est écrit l'histoire et construit la mémoire collective, sans les minorités sexuelles. Le durcissement nazi du paragraphe 175 est retiré en 1969, mais il faut attendre 1994 pour qu'il soit aboli. Pour les lesbiennes, la reconnaissance est encore à la peine. Ici habitait Elise Mula, née en 1914, dénoncée. Arrêtée le 12 septembre 1940, près d'Alexanderplatz. Envoyée au camp de Ravensbrück en 1940. Décédée le 8 juillet 1943. Donc là, on est devant la Stolperstein, ça veut dire... Des pierres sur lesquelles on trébuche, c'est un projet d'un artiste allemand, Günther Demling. Donc on est devant le dernier endroit où Elise Mula a habité, à l'est de Mitte, pas loin d'Alexanderplatz. Plusieurs sources indiquent que Elise Mula s'est fait arrêter sur son lieu de travail aux côtés de Margaret Rosenberg, qui était ouvrière pour cette compagnie de transport, le BVG. Elles auraient été toutes les deux dénoncées par leur employeur pour refus de travailler et acte homosexuel. There were many problems to find out what happened to these Il n'a pas été facile de connaître le parcours de ces femmes. Find out that Claudia Schopmann, historienne. Elise Mula and Margarete Rosenberg indeed, J'ai fini par apprendre qu'Elise Mula et Margaret Rosenberg avaient été accusées d'avoir séduit leurs collègues et d'avoir eu des relations sexuelles avec elles. So the next morning these they could not Elles ont été congédiées du jour au lendemain because of they were accused of you know endangering Elles ont été accusées de mettre en danger le travail de la compagnie de transport public which was of course regarded qui était évidemment considéré comme très important so they were interrogated by one of the offices who Elles ont été interrogées par un officier qui interrogeait aussi les hommes accusés d'homosexualité. And finally, after some weeks, et puis, au bout de quelques semaines, elles ont été envoyées à Ravensbrück, toutes les deux. I was trying to find out more about J'ai essayé d'en apprendre davantage sur Elise Moula, mais elle n'avait laissé ni journaux, ni lettres, diaries, or letters, or ni quoi que ce soit de personnel. So we don't know. Nous ne savons pas grand-chose. She was single, she was not married. Elle était célibataire. She was only 26 when she elle n'avait was que 26 caught. Ans lorsqu'elle a été arrêtée. She lived with her mother together. Elle vivait avec sa mère. So we cannot Nous ne pouvons judge. Pas trancher. Était-elle lesbienne ou pas not, we only On know sait simplement qu'elle a été accusée of. De lesbianisme. And, Margarete Rosenberg, Quant à Margarete Rosenberg, dans sa jeunesse, elle avait travaillé comme serveuse, and then she was, puis comme prostituée, finally married, one of her et avait fini par épouser un de ses clients. But the marriage apparently was not happy. Apparemment, le mariage n'était pas heureux. So, It's difficult to tell what they were really, C'est donc difficile de savoir ce qu'il en était réellement. We only know they were labeled as, Nous savons seulement qu'elles étaient étiquetées comme lesbiennes. Yeah. Sur le registre des entrées tenues par l'administration du camp, on peut lire Margarete Rosenberg, née le 4 août 1910, détenue politique numéro 5138, et dans la dernière colonne, où pour d'autres est écrit « juive » ou « polonaise », ici on lit « lesbienne ». Même chose pour Elise Mula. Elles porteront toutes deux le triangle rouge des prisonnières politiques. Jour de mascarade, le titre de l'ouvrage de Claudia Schopmann est emprunté à une journaliste de mode qui, dans les années 80, témoigne anonymement de son vécu sous le régime nazi. Un matin, elle est convoquée par son employeur. On lui dit qu'elle ne peut plus vivre avec sa compagne. Elle décide de se marier avec un couple d'amis gays et de vivre à quatre. Elle est de nouveau convoquée. Cette vie communautaire n'est pas acceptable non plus. Elle doit se cacher, vivre dans la peur. Elle écrit « Ces jours étaient ceux de la mascarade. Pour survivre, il faut se camoufler. Camouflage. Yeah, to find ways of camouflaging your identity. Trouver des moyens de camoufler son identité. Typical, maybe for the majority of lesbians. Cela me semble assez typique de la majorité des lesbiennes. Singled out as Jewish. Qui n'étaient pas repérées comme juives ou communistes. Ou d'une façon ou d'une autre, contraire à l'idéologie nazie. Un grand nombre de lesbiennes ont essayé d'adopter un comportement discret pour ne pas attirer l'attention. Nous connaissons par exemple un cas à Berlin pour lequel il existe la preuve de la dénonciation. Women were living together. De deux femmes ouvrières qui vivaient ensemble. L'une d'elles était la mère de deux enfants qui habitaient avec elle dans l'appartement. Un jour, une voisine a entendu des bruits mystérieux en provenance de l'appartement. Elle s'est dit qu'étant donné qu'il n'y avait pas d'homme dans la maison, il était très étrange que l'on entende des ébats amoureux. Elle a dénoncé ces deux femmes. La Gestapo a mené l'enquête. L'une des deux femmes, la mère des enfants, a dit qu'elle était hétérosexuelle move together with the father et qu'elle allait bientôt emménager children. Avec le père de ses enfants. And the other one, L'autre she said, well, yes, a reconnu I am qu'elle était lesbienne. Then the Gestapo came to the la Gestapo conclusion. A finalement conclu well, unfortunately, there is no law qu'il n'y avait hélas aucune loi contre l'homosexualité féminine. We cannot et que leur cas ne tombait pas sous le coup du paragraphe 175. But this is not according to the mais que cela allait à l'encontre de la volonté du Führer. La Gestapo a donc contraint ces femmes à déménager dans des lieux séparés et les a gardées sous surveillance. Nous ne savons pas s'il leur est arrivé autre chose. Mais on voit bien que malgré l'absence d'un paragraphe spécifique du code pénal condamnant explicitement l'homosexualité féminine, ils trouvaient des moyens d'interférer dans la vie des lesbiennes. Ihr sagt, es war mein eigener Vetter. Mein Kind, geh nur nicht auf die Bretter. Und meine leibliche Cousine, die schrie, was willst du bei der Bühne? Und auch Tatarchen sagte, nee, ich lass dich nicht zum Kabarett. Ici, dans la section de l'exposition consacrée à la situation médicale dans le camp, nous avons une partie des photos sélectionnées par Friedrich Mennecke. Le docteur Friedrich Mennecke s'est rendu à plusieurs reprises à Ravensbrück en 1941 et 1942 à la recherche de personnes handicapées et pour étudier les dossiers de prisonniers juifs. Il a noté au dos des photos des informations issues des dossiers de la Gestapo. Je cherche une photo, je ne sais pas si nous l'avons là, mais elle apparaît dans différentes publications. C'est celle de Marie Pugnard, une détenue juive. Il a écrit au dos de sa photo que c'était une lesbienne très active, car elle a dû se rendre plusieurs fois dans un cabaret de lesbiennes. Il s'agissait d'un cabaret clandestin qui était de fait le seul auquel elle pouvait accéder en tant que juive. Elle était mariée et en contact régulier avec son mari, un militaire allemand. Donc, nous ne savons pas si elle était réellement lesbienne ou bien si elle avait simplement trouvé refuge dans ce cabaret lesbien. Le problème pouvait se poser également pour d'autres groupes. En effet, des personnes étaient catégorisées par les nazis, catégorisées comme juifs, alors que même ne se considéraient pas juifs. Mais le pouvoir de définition et de catégorisation des nazis était bien plus puissant que la subjectivité des individus. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres mentions du terme lesbienne sur ces photos donc qui ont été prises par le docteur Friedrich Mennecke? Là, nous en avons une. Jenny Zara Schormann. Unmarried. Célibataire. Salesperson. In Frankfurt, Main. Vendeuse à Francfort. Very active lesbian. Lesbienne très active. She was acting in one of those. Elle faisait de la scène dans un de ces cabarets. Did not use the name Sarah. N'utilisait pas le nom de Zara et. And this, I can't. Et là, je n'arrive pas à lire. I think. Je crois que c'est juive apatride. Very often, it was said that women were here because of political reasons. On disait le plus souvent de ces femmes qu'elles étaient des prisonnières politiques. Ou des criminels, ou encore des prisonnières asociales. Et quelquefois, il y a une marque pour indiquer qu'elles étaient également considérées comme lesbiennes. Donc les lesbiennes, à la différence des hommes homosexuels, n'étaient pas déportées en tant que lesbiennes. Je n'en suis pas sûr. Je dirais que la police avait plus de mal à définir l'identité et l'orientation lesbienne. Partly they already had discussions in the 1920s among lawyers. Il y avait, dès les années 20, entre les juristes, d'étranges débats lors desquels il était dit que l'homosexualité masculine était plus facile à définir car il y avait pénétration, alors que chez les femmes, il était plus difficile de faire la distinction entre l'intimité, l'amitié et la sexualité. Je trouve intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans le débat autour de la commémoration des lesbiennes, certains militants homosexuels hommes on recourt aux mêmes arguments que ces juristes des années 20. Certaines informations nous font penser que nous ne devrions pas forcément chercher le mot « lesbienne » dans les dossiers de la Gestapo. Il peut parfois s'agir d'un mot que je ne connais pas en anglais. Kuppelei. Kuppelei means that people were not allowed to. Cela signifie qu'il était interdit d'aider autrui à avoir des relations sexuelles illégales, par exemple en prêtant une chambre. Il était difficile pour un couple lesbien de trouver un lieu pour vivre leur sexualité. Et si quelqu'un leur louait une chambre, ils pouvaient se voir attaqués en justice pour avoir encouragé un acte sexuel illégal. Je cherche encore Rosa Jurman. Mais on va la trouver plus tard. Il n'est pas dit qu'elle était lesbienne. Mais nous avons plusieurs témoignages homophobes à son égard. Où certaines de ses codétenues, en conflit avec elle, affirment qu'elle avait débauché certaines personnes dans des relations homosexuelles. Son orientation sexuelle a été pointée du doigt pour des raisons politiques. Il est difficile de concevoir que l'homophobie était si courante parmi les prisonnières. Des femmes que l'on appellerait lesbiennes de nos jours ne se considéraient pas forcément comme telles à l'époque. Insa Eschebar, directrice du mémorial de Ravensbrück. Je me souviens de Rosa Jochmann, par exemple. C'était une femme politique, sociodémocrate autrichienne, une combattante. Elle a rencontré l'amour de sa vie ici, à Ravensbrück. Elles ont toutes les deux survécu à la guerre et ont habité ensemble par la suite. Elle ne se serait jamais définie comme lesbienne. Sa compagne, il me semble qu'elle s'appelait Zili Elte, elle se disait lesbienne. En général, cette appellation était péjorative. Quand des conflits éclataient dans le camp, elles s'insultaient en se traitant de lesbiennes pour se stigmatiser. Il n'y a aucun témoignage positif d'expérience lesbienne à Ravensbrück. En revanche, nous avons une longue, longue histoire culturelle de discrimination des lesbiennes. La gentilité ici est du côté des femmes hétérosexuelles qui insultaient les autres de lesbiennes, de garces, etc. Oui, pour être complet, nous devons citer des velléités de virilisation dans la variété des triangles noirs, Germanie, Conus. L'animal tente alors à prendre les formes extérieures du mâle. Il perd ses incisives et répond au nom de Julot. Par exemple, même dans l'opérette à Ravensbrück, écrite par Germaine Tillon, qui était aussi une des détenues ici, on a des représentations lesbophobes de ce qu'elle nomme les Julots, donc les Jules. Aujourd'hui, on dirait peut-être davantage Butch, par exemple, donc des lesbiennes plus masculines. Comment est-ce que vous décririez ces représentations, ces récits de l'homosexualité féminine par les prisonnières elles-mêmes? Les récits dont nous disposons proviennent de femmes qui se seraient sans doute définies comme hétérosexuelles, comme normales, entre guillemets. Même si en réalité, on ne sait rien de leur sexualité. C'était une accumulation d'idées péjoratives. Les Français à Ravensbrück. Dans le livre Les Françaises à Ravensbrück, il y a une femme française qui dit underneath their clothes, sous leurs vêtements, c'était des hommes. Completely absurd. C'est une idée complètement absurde. You know, they play, they act as a woman, but as a matter of fact, they are men. And this is something. Elles se comportent comme des femmes, mais en réalité, elles sont des hommes. Reacted with fear, you know, towards this kind of. Elles ressentaient de la peur vis-à-vis de cette idée, de ce fantasme. You know, following the passion and not. Suivre ses passions, ne pas être pure, exemplaire, être passionné, c'est perçu comme quelque chose de dégradant. Il fallait se contrôler, rester droite, straight. Voilà le genre d'idées qui n'étaient pas spécifiques à Ravensbrück, mais qui font partie de l'histoire des lesbiennes au XXe siècle. Ravensbrück est une sorte d'île où l'on peut observer tous ces phénomènes répandus dans la société tout entière, comme dans un miroir. Margaret Buber-Neumann est là. Elle fait partie des personnes très critiques à l'égard des relations lesbiennes. Un de ses problèmes est qu'elle entretenait une relation très étroite avec Milena Jesenska. Et elle craignait toujours d'être perçue comme lesbienne. Sa sensibilité à la question intime était peut-être dans le but de chercher à se définir comme autre. C'est en cela que l'image des lesbiennes était pour elle un sujet important. Se distinguer des lesbiennes. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Vous, Lulu de Colmar, vous avez sûrement compris. Elle a dit que vous étiez son type. Et qu'elle ne demandait pas mieux que d'être le vôtre. Promenade sentimentale, en se tenant par le petit doigt, l'on l'a, l'on l'air. Baiser sur la bouche. Si le cœur vous en dit, général. Ciel, que me dites-vous là? Est-ce possible? Une enfant si jeune, et elle ose s'adresser à moi? Mais quel genre ai-je donc? Je ne suis pas celle que vous croyez. Passez votre chemin, monsieur. Mademoiselle, veux-je dire. Je ne mange pas de ce pain-là. Brot kannst du behalten. Hab ein Liebling in der Küche und krieg was ich will. Dazu nächste Woche bin ich im Puff. Sehr gut für meine Affäre. Qu'est-ce qu'elle a dit? There is a process that in English is called the othering. Il y a un phénomène que l'on appelle en anglais the other othering, l'altérisation de l'autre, faire de quelqu'un son autre. Si vous vous percevez comme hétérosexuel, vous éprouvez le besoin de définir un autre comme non hétérosexuel. Vous vous définissez par la distinction d'un autre, par l'opposition à votre contraire. Si vous êtes dans la normalité, celui que vous définissez comme l'autre est forcément déviant. Qui plus est, dans une situation où la vie est très dure. Pour vous définir comme une personne juste, droite, correcte, une femme digne, vous êtes presque obligé, c'est en tout cas ce que m'apprend l'histoire, de créer un contre-modèle, incarné ici par la femme lesbienne, mais aussi la prostituée. Il y a une proximité entre l'image de la lesbienne et celle de la prostituée. Elles sont toutes deux censées être soumises à leur passion, à leur sexualité incontrôlée et déviante. Vous écrivez que c'était un moyen aussi d'affirmer sa supériorité morale et bien sûr de naturaliser l'hétérosexualité. C'est aussi lié à la pression des conditions de vie dans un camp de concentration. La pression immense de la faim, de l'humiliation. En permanence du matin au soir, on vous dit que vous êtes de la merde, que vous n'êtes qu'un numéro, que vous êtes à peine humain, vous avez froid, votre santé est fragile. And for some reason, it is so that living under. Il se trouve que lorsqu'on vit sous une telle pression dans une société uniformisée, il devient important pour certaines personnes, pas seulement des femmes, de se distinguer d'un autre qu'elles jugent inférieur. Cela peut être sur un critère de nationalité. Nous sommes françaises, polonaises. Nous ne sommes pas comme elles. C'est intéressant d'ailleurs de voir que, parce qu'il y a une hostilité envers les femmes allemandes, car elles parlent la langue des SS, qu'elles ne comprennent pas vraiment, elles disent « les Allemandes, ce sont-elles les lesbiennes ?» Elle a dit que vous pouviez garder le pain, qu'elle a une touche à la cuisine et qu'elle a tout ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle part la semaine prochaine comme volontaire pour le pouf. Le bordel, quoi. Ça fera le meilleur effet dans son dossier parce qu'elle est ici pour une histoire de elle. Et moi qui croyais qu'un pouf était un petit siège rond. Nous avons là un cas très intéressant. Frédérique Viking, qui était d'abord assistante sociale, puis est devenue directrice de la police criminelle. Elle était responsable de ce qui s'appelait la protection de la jeunesse de Ravensbrück. Et deux historiens, deux hommes donc, ont fait des recherches sur elle et ont été fascinés par son parcours, notamment parce qu'après la guerre, elle avait vécu une histoire homosexuelle. Donc, là encore, en parlant des perpétrateurs, othering them by all a fascinating. Même s'agissant de nazis, on les altérise en pointant leur identité lesbienne. I feel so angry about the male fantasies. Cela me met tellement en colère, ce fantasme masculin projeté sur elle. Il y a un stéréotype très fort autour de la lesbienne capot. Avec cette idée de la brutalité des lesbiennes qui sont forcément plus masculines, et donc cette idée qu'il y aurait eu beaucoup de lesbiennes capot. I think it is part of male fantasies again. Pour moi, il s'agit aussi d'un fantasme masculin. There is a pornographic tradition in pop culture since the 1950s. Nous savons qu'il y a dans la pop culture une tradition pornographique depuis les années 50. Cette figure de capot sexualisée lesbienne. Partly it might be that it got some footage by some of the heterosexual prisoners. Cela est sans doute lié à des archives provenant de prisonnières hétérosexuelles. It was so important to find a qui tenait absolument à démarquer leur identité de celle de leur capot et de leurs persécuteurs. And you also have a lot of testimonies by survivors. Il y a de nombreux témoignages de survivants de Ravensbrück female guards as a kind décrivant les gardiennes comme une espèce à part. Because for them it was a big challenge. C'était pour elles difficile de concevoir que des femmes pouvaient se comporter aussi mal, sinon plus mal encore que les hommes quand elles étaient en position de le faire. Wenn's auch nicht plausibel scheint, sein letztes Wort war ihm Mord. Verdammte Frauenzimmer, die doch Rapunos Hass verdroht, die alte Ahnfrau. Là, ce sont les pierres mémorielles. Cimetière Saint-Mathieu, quartier de Schöneberg à Berlin. On a commencé ici par Gertrude Sandmann et avec sa copine Tamara Streck. Et avec un dessin qui était sur la revue qu'elle a fait, UKZ, unsere kleine Zeitung, ça veut dire c'était la première revue après-guerre et qui était faite par Gertrude Sandmann et Hilde Radusch et Kitty Kose. Et comme j'ai dit, que la directrice, elle était toute contente de faire quelque chose pour les femmes. Elle a dit: vous pouvez avoir tout l'espace. Et là, on a dit, on a réfléchi, les prochaines, ça va être Kitty Kose et la Charlotte Wolf. Pourquoi c'est important pour toi, Traude Burman, que cette histoire-là, elle soit vivante, visible? Parce que je suis aussi activiste ici dans le mouvement lesbien, féministe lesbien, depuis 40 ans. Et aussi, moi, je m'approche un peu la fin de ma vie. Et on parle aussi de souvenirs ou de visibilité ou qu'est-ce que va en trouver maintenant pour elles qui ont fait tellement pour la visibilité, tellement actif, qui nous laissait aussi des traces. Cela nous situe, nous aussi, dans une histoire, dans une généalogie lesbienne. Des lesbiennes nous ont précédées, parce qu'il y a beaucoup de ruptures de transmission entre générations. Et là, comme ça, tu fabriques des ponts aussi. Ça serait bien si ça se produisait comme ça, mais je ne sais pas. Le mémorial aux homosexuels déportés, il se trouve juste à côté du parc du Tiergarten. Ce mémorial, il a été inauguré en 2008 par les autorités allemandes. C'est un bloc de béton un peu caché. Et à l'intérieur, il y a une vidéo, une sorte de diaporama où défilent des photos. Il y a des photos de manifestations, les premières manifestations à la fin des années 60, début des années 70, les manifestations pour les droits des gays et des lesbiennes. Il y a une affiche avec le double symbole féminin, ce rond avec la croix en bas, avec marqué Frauenliebe, donc amour des femmes, amour lesbien. Des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent. Avec ce mémorial, la République fédérale d'Allemagne veut honorer les victimes des persécutions et des meurtres et garder vivante la mémoire de cette injustice et créer un symbole durable d'opposition à l'intolérance et à l'exclusion des gays et des lesbiennes. À la mémoire de toutes les femmes et jeunes filles lesbiennes du camp de concentration de Ravensbrück et du Kurmark, les lesbiennes étaient considérées comme entartées, asociales, récalcitrantes et folles. Elles ont été persécutées pour d'autres raisons et ont été assassinées. Nous ne vous oublions pas. Plus tôt dans la journée, nous sommes permis, avec Mathias Heil, de rentrer dans votre bureau et nous avons vu que le monument qui avait été déposé par un groupe d'activistes lesbiennes est ici, dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il est là et non pas dehors, près de ce mur où il y a donc tous les monuments qui commémorent les différents groupes de déportés au camp de Ravensbrück? Il y a deux comités en charge des mémoriaux et ils reflètent la société actuelle. Ils ne sont ni mieux ni pire. Et tel que je le comprends, il y a toujours de l'homophobie aujourd'hui. Il y a eu des débats interminables sur la question de l'hommage. Il a été dit que les lesbiennes n'ont pas été emprisonnées parce qu'elles étaient lesbiennes. C'est un argument bizarre parce que toutes sont dans ce cas. Les Françaises n'ont pas été arrêtées en raison de leur nationalité, et pourtant, on commémore les femmes françaises ou hollandaises sans qu'elles aient été emprisonnées pour cela. Personne ne se pose la question de savoir quel était le motif de leur persécution. La raison pour laquelle vous commémorez quelqu'un ne doit pas être, et n'est généralement pas, identique à la raison de sa persécution. Mais dans le cas des détenues lesbiennes, un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des gens raisonnables, y compris des historiens, ont estimé que comme le lesbianisme n'était pas l'objet de la persécution, il ne devrait pas être mis en avant. Il semble y avoir encore à ce jour une idée selon laquelle les homosexuels hommes peuvent être commémorés, mais pas les femmes. Ce symbole, le Gedenkugel, cette boule commémorative est encore là, dans notre bureau. Nous amenons là les gens qui s'intéressent à la question en leur disant que c'est le symbole d'une commémoration interdite. Mais je suis certaine que les choses vont finir par s'arranger. Si on ne s'empare pas, enfin les personnes concernées, activistes LGBT, activistes lesbiennes, ou ne cherchent pas à trouver cette histoire, à déceler, comme vous l'avez fait aussi Isabelle Santis dans un documentaire, un indice sur la vie, par exemple, de Thérèse Pierre, qui a été donc résistante et lesbienne. Cette histoire-là, elle n'est pas racontée aussi, si on ne le fait pas. En tout cas, très très peu. Alors il y a des universitaires qui ont pu le faire ou qui ont tenté de le faire, mais effectivement c'est très très rare. C'est encore trop rare, mais il y a quand même aussi des chercheuses qui l'ont fait avant nous. Donc l'idée c'est aussi de se mettre dans concerné aussi souvent. On va dire, je veux dire aussi. Tout à fait, complètement, c'est ça. Donc oui, parce qu'en fait il y a là aussi, ce serait toute une histoire à observer. C'est comment on construit l'histoire, comment elle est faite. Là, depuis une dizaine d'années, on va parler de déportation homosexuelle partie de France. Dans certains colloques, on va mettre un LE après homosexuel, mais il y aura en fait très peu d'intervenantes et d'intervenants qui vont évoquer ces parcours. Donc on voit qu'en fait, c'est effectivement de l'importance de nous de faire ce travail avec d'autres, de s'associer aussi, de faire un écosystème avec ces archivistes, ces professionnels de l'archive et de la recherche. Parce que ce qui est très impressionnant aussi, c'est que pour décoder les archives, qui sont la plupart du temps parcellaires, transmises ou pas par ces femmes qui ont aimé des femmes, c'est qu'en fait, il faut connaître leur culture. Et la plupart du temps, les archivistes, les bibliothécaires n'ont pas forcément accès à cette connaissance. Ce qui est très intéressant, c'est par exemple des archives constituées par des femmes allemandes antifascistes qui ont été internées par l'État français en France, dans des camps, notamment à Rieucros. Ces femmes qui ont fait des dessins pour témoigner de ce qui se passait dans ces camps d'internement, il faut avoir une connaissance de la culture lesbienne des cabarets berlinois pour se rendre compte des clins d'œil qu'elle met en place dans son dessin, par exemple. Sinon, ce qu'on peut voir, c'est deux jeunes femmes allongées dans l'herbe. Ce qui est aussi très difficile pour raconter les parcours de vie de lesbiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi que quand elles sont criminalisées ou persécutées, elles ne le sont pas forcément explicitement en tant que lesbiennes. Effectivement, quand on regarde les archives officielles de ce camp d'internement, pour l'instant, on ne voit pas apparaître ce mot. Mais c'est aussi ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout montrer ces mécanismes, en fait. On va pas utiliser des termes argotiques, par exemple, ou des termes saphiques ou autres pour les nommer. C'est vraiment, ça fait partie du processus, en fait, d'invisibilisation, de destruction de l'histoire et de l'identité des personnes. Et c'est vraiment ça qui est intéressant à montrer. I sometimes wish almost that if we want to commemorate lesbian inmates. Parfois, j'en viens à espérer que cette commémoration trouve une forme artistique. Artistic way, you know, not this kind of bush narrative or commemoration and honor, you know, like coming from a military. Pas cette espèce de rituel officiel, issu d'une tradition quasi militaire où l'on dépose une gerbe et fait quelques pas. And then you wrestle with these kind of dedication written on a avec une inscription sur un ruban ou une plaque commémorative. Plaque on the wall. On pourrait peut-être trouver quelque chose de plus créatif. Retrouver un peu d'esprit subversif, des formes innovantes. Ce serait même plus approprié. Les musées, les mémoriaux ont tendance à être très conventionnels. Sie müssen jetzt leben, Felix. Das ist sehr wichtig. Jetzt. Lassen Sie uns mal gehen. Sie frieren ja. Isabelle Diego Santis. Sur votre site QueerCode, il y a une citation de Monique Wittig que j'aime beaucoup, extraite des Guerrières. Elle dit « Fais un effort pour te souvenir ou à défaut, invente ». Oui, cette culture se transmet par des fictions, audiovisuelles, audio, par des dessins, par des films, par des bandes dessinées. Et on essaie aussi de transmettre l'idée que ces transmissions sont tout aussi importantes que des articles universitaires, que ces reconstitutions, que ces points de vue, que ces paroles, que ces représentations sont très puissantes et qu'elles nourrissent notre histoire et aussi nos imaginaires. Aimé et Jaguar, ce film, il retrace l'histoire de Felice Rael Schragenheim qui tombe amoureuse d'une mère de famille allemande, mariée, allemande-arienne. Elle est juive, berlinoise, donc c'est une histoire vraie. Elle est membre de la résistance, elle sera déportée et elle mourra à Birkenau, au camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Comment est-ce que vous avez retrouvé cette histoire-là, par exemple? Via le film, via Aimé et Jaguar, qui a été quand même un succès aussi. Tout à fait, oui, ça a été un succès. C'est vrai que c'est une sortie en 1999 qui marque beaucoup les esprits, parce qu'effectivement, là, on a accès à un récit, à une histoire. Ensuite, il y a une traduction, une publication du livre, en fait, de la rencontre entre cette journaliste féministe allemande hétérosexuelle qui a rencontré vraiment une femme très, très âgée qui, voilà, à un moment donné de sa vie, se décide à témoigner. Avant ce film de fiction, il y a toute une histoire, mais effectivement, on commence à découvrir cette histoire par un film de fiction. Donc, pour nous, c'était hyper important, parce que c'est vraiment, souvent dans nos parcours, quelque chose qui a été assez puissant. On n'a pas encore exploré toute cette puissance d'inventer, mais on est en cours à comment rendre compte et partager l'histoire de toutes ces femmes rendues anonymes par ces destructions, par ces fascismes. Et donc, effectivement, l'invention est une puissance de vie indispensable. Donc là, pour l'instant, on est en train de rêver. On a aussi fait des choix d'images, rencontres et de partenariats. Il y a effectivement, pour la résistance, en fait, on voit un groupe de femmes qui, en fait, trinquent. Et qui, pour nous, voilà, résister, c'est aussi la fête, c'est ces fêtes, c'est ces femmes qui osaient sortir malgré les couvre-feux, les interdictions de se regrouper. Et donc, effectivement, c'est continuer, comme nous l'incitait Monique Wittig, d'inventer. Ouvre les yeux, réveille-toi, ouvre l'oreille, ouvre ta porte. C'est l'amour qui sonne et c'est moi qui te l'apporte. C'était l'histoire manquante, sortir les lesbiennes du placard. Jour de mascarade, persécution des lesbiennes sous le Troisième Reich. Avec Ulrich Baumann, Matthias Heil, Suzette Robichon, Traude Burman, Claudia Schopmann, Insa Eschebar et Isabelle Diego Santis. Archivina Véronique Jolivet, traduction Massoumé Laïdji, avec les voix de Laurence Genepin, Perrine Mingui et Romain Arduin. Prise de son, Clémence Bonfils, Claire Levasseur et Bernard Laniel. Mixage, Olivier Dupré. Une série documentaire de Clémence Alzard, réalisée par Somani Na. Je dis traîne, il va